J'ai tenté d'oublier tous ces gens qui ne pensaient qu'à paraître tout en paillettes jusqu'à nier son être, tout sacrifié pour exister juste le temps d'une soirée. Dès l'enfance, ce faux sentiment de puissance, se faire violence pour conserver son apparence, se rapprocher que de la décadence. Mais je peux pas y échapper, c'est là que je suis né. Pourquoi lutter? C'est pour ça que je suis fait. Condamné à accepter une vie programmée. Ça suffit, ça ne peut plus durer. Il est temps de s'en aller, de tout recommencer. Je veux partir, laissez-moi simplement vivre.